إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله اتقوا ربكم وتوبوا إليه من ذنوبكم ولا تقنطوا من رحمته مهما بلغت ذنوبكم فإنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقد تضمن هذا الحديث أمورا ثلاثة تحصل بها المغفرة الأمر الأول الدعاء مع الرجاء وهو في قوله إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي ففيه أنه لا بد من الجمع بين الدعاء والرجاء في الإجابة يعني رجاء الإجابة فلو دعا بدون رجاء لم يستجب له لأن ذلك قنوط من رحمة الله والقنوط من رحمة الله ضلال كما قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وإن الرجاء بدون دعاء لم ينفعه الرجاء لم يفعل السبب لأنه لم يفعل السبب الذي يحصل به المطلوب والله قد ربط الأمور بأسباب لا بد من فعلها ومن تركها كان عاجزا مهملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وفي قوله تبارك وتعالى غفرت لك ما كان منك ولا أبالي بيان سعة مغفرة الله وأنه مهما كثرت ذنوب العبد فإن الله يغفرها له ولا يتعاظم كثرتها لأنه سبحانه لا يتعاظمه شيء ما دام العبد قد أتى بسبب المغفرة أما من يكثر من الذنوب ويترك التوبة اعتمادا على سعة مغفرة الله وعفوه فإنه خاسر لأنه أمن مكر الله والله تعالى يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ومكر الله سبحانه وتعالى هو استدراجه للعاصي ثم أخذه بالعقوبة على غرة وغفلة قال الحسن البصري رحمه الله المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. الأمر الثاني مما تضمنه هذا الحديث بيان أن الاستغفار هو طلب المغفرة. لا يبقى يعني لا يبقى من الذنوب شيء مع الاستغفار ومع التوبة، بل يمحوها ولو كبر حجمها وبلغ ارتفاعها العنان، والعنان هو السحاب، فإن الله يغفرها. وقد أمر الله بالاستغفار في مواضع من كتابه، ومدح أهله ووعدهم بمغفرة ذنوبهم وتكفير خطاياهم. ولا بد مع الاستغفار من عدم الإصرار على الذنب، بمعنى أن المستغفر يترك الذنوب المستغفر منها، فإن لم يتركها لم ينفعه الاستغفار، لأنه حينئذ يكون استغفارا باللسان فقط. والله تعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وللاستغفار ساعات يرجى قبوله فيها أكثر من غيرها، كأدبار الصلوات ووقت الأسحار. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، ويقول وقال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على الله، ثم يثني بالاعتراف ببدنه بالاعتراف بذنبه ثم يثني بالاعتراف بذنبه ثم يسأل الله المغفرة، كما ثبت في الصحيح عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وينبغي الإكثار من الاستغفار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وينبغي أن يقرن الاستغفار بالتوبة، فيقول: أستغفر الله وأتوب إليه، كما في الحديث، وكما في قوله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وذلك ليجمع بين الاستغفار باللسان والإقلاع عن الذنب بالقلب والجوارح، وهذا معناه عدم الإصرار على الذنب. الأمر الثالث مما تضمنه هذا الحديث أن التوحيد هو الشرط الأعظم، بل هو الأساس لمغفرة الذنوب، فمن فقد هذا الشرط فقد المغفرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي هذا الحديث يقول الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقرب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض بضم القاف، ملؤها أو ما يقارب ملؤها. و ودل الحديث على أن الموحد الذي هو على التوحيد ترجى له المغفرة ولو كثرت ذنوبه، فإنما معه من التوحيد ما يكفر به الذنوب مهما عظمت ومهما كثرت، وهذا مقيد بمشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من ما دون الشرك، يعني يغفر من الذنوب ما هو دون الشرك لمن يشاء سبحانه وتعالى. ففي هذا فضل التوحيد وبيان ما يكفر من الذنوب، وأن من لقي الله به ومات عليه فإنه ترجى له المغفرة، ترجى له المغفرة. ففي هذا التحذير من الشرك، لأنه لا يغفر لصاحبه ولو أتعب نفسه بالعمل ولسانه بالاستغفار، ولو أنفق جميع ما في الدنيا فلن يقبل منه ولن يغفر له ما دام على الشرك. ولكن ما هو الشرك الذي هذا خطره؟ كثير من المنتسبين إلى الإسلام يظنون أن الشرك يقتصر على عبادة الأصنام والسجود للأصنام، كما كان أهل الجاهلية يعبدونها، مثل اللات والعزى ومنات. أما عبادة القبور والاستغاثة بالأموات ودعاؤهم من دون الله وطلب المدد من الحسين والبدوي والشاذلي والعدروس والتيجاني والشاذلي وغيرهم من يسمونهم بالأولياء، فهذا ليس عندهم، هذا ليس بشرك، مع أنه من أخطر أنواع الشرك والعياذ بالله. وكأن الشرك أمر اصطلاحي يتغير من عرف إلى عرف، وما داروا أن أول شرك حدث في العالم هو الذي يقولون إنه ليس بشرك، وإنما هو توسل بالصالحين. فقد كان الشرك الذي في قوم نوح هو الغلو في الصالحين والتوسل بالأموات، ولما دعاهم نوح عليه السلام إلى تركه وقالوا ماذا قال قومه؟ قالوا وما يعني قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يهوث ويعوق ونسرا. قال يعني وقد روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هذه الأسماء هي أسماء رجال صالحين في قوم نوح ماتوا فعبدوهم من دون الله. فهكذا بدأ الشرك في الدنيا والعياذ بالله، وانتشر وهو قد عاد في هذا الزمان. فكثير من المسلمين في بلاد الإسلام الآن يدعون من يسمونهم بالأولياء والصالحين، ويذهبون إلى قبورهم ويطوفون بها ويذبحون عندها وينظرون لها ويدعونها من دون الله ويطلبون منها المدد، وكل هذا من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام والعياذ بالله. عباد الله، اتقوا الله ووثقوا صلتكم به وبطاعته وفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه والإكثار من دعائه، فإنه لا غنى بكم عنه طرفة عين، وهو يأمركم بدعائه واستغفاره مع غناه عنكم، وأنتم تعرضون عنه مع فقركم وحاجتكم إليه. الإنسان هو دائما في حاجة إلى ربه، ولكنه لا يدعوه تكبرا، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وكذلك هذا الإنسان لا يستغفر ربه وهو محمل بالذنوب ومعرض لعقوباتها، ولكنه لا يستغفر، إما لأنه آمن من مكر الله أو لأنه قانت من رحمة الله، كما قال تعالى عن المنافقين: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فاتقوا الله عباد الله، وأكثروا من دعائه واستغفاره، وأخلصوا له العبادة، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عباد الله، serviteurs d'Allah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et revenez repentant à lui. Demandez pardon pour vos péchés et ne perdez pas espoir en sa miséricorde, peu importe la quantité de vos péchés ou ce que vos péchés ont atteint comme grandeur, parce que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés à celui qui se repent et qui demande pardon. Il a été rapporté selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô fils d'Adam, tant que tu me demandes, que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je vais te pardonner ce que tu as fait, peu importe. Ô fils d'Adam, même si tes péchés auraient atteint jusqu'au nuage, puis que par la suite tu me demandes pardon, je te pardonne. Ô fils d'Adam, même si tu venais avec des péchés aussi grands que la terre, puis que tu me rencontres sans avoir rien associé avec moi, sans avoir commis de shirk, eh bien je te ramènerai ce qui correspond à la quantité de la terre comme pardon. Et donc dans ce hadith, on peut comprendre qu'il y a trois choses qui sont nécessaires pour obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, c'est que tu fasses des invocations avec l'espoir d'avoir la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce hadith Qudsi: si tu m'invoques et tu as espoir en moi, c'est-à-dire que tu fais le dua avec l'espoir d'avoir la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu fais une invocation et que tu n'espères pas en la réponse d'Allah et en son pardon et en le fait qu'il exauce la chose pour laquelle tu l'as invoqué, eh bien dans ce cas-là, ça signifie que tu as perdu l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet de celui qui perd l'espoir en la miséricorde d'Allah, que ce ne sont que les égarés qui perdent l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut jamais perdre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même que le contraire est incorrect aussi, c'est-à-dire d'avoir l'espoir en Allah mais sans l'invoquer. Hein? Ou bien de faire des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala sans faire les actes et les causes qui vont faire en sorte que la personne sera pardonnée. Eh bien, ça aussi, c'est un problème et c'est une erreur. Et donc, on peut comprendre aussi par ce hadith à quel point le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala est vaste. Et à quel point le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala est grand. Et qu'il n'y a pas un péché que quelqu'un peut faire qui est trop grand pour le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que quelqu'un n'a pas le droit de dire, par exemple: le péché que j'ai fait est tellement grand que c'est impossible que Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne. Hein? Que c'est impossible que Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne. Alors il perd l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et qu'est-ce qui arrive par la suite? Il s'enfonce encore plus dans son péché. parce qu'il se dit de toute façon, peu importe que ce que je fasse, yani ce que je fais, je ne peux pas être pardonné. Et à cause de ça, il plonge encore plus dans l'égarement et dans le péché. Et donc, il ne faut jamais perdre l'espoir en le pardon d'Allah et il ne faut jamais se dire que le péché qu'on a fait est trop grand pour mériter le pardon d'Allah. Approchez-vous un peu si vous voyez un espace devant vous. Avancez pour laisser de l'espace aux frères qui rentrent. Et donc, il n'y a pas de péché trop grand. Vous connaissez sûrement tous le hadith de l'homme qui avait tué 99 personnes. Il a rencontré un adorateur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait beaucoup de prières, beaucoup d'adoration, mais qui n'a pas de science de la religion, qui n'a pas étudié la religion comme il faut. Alors, cette personne est venue voir cet adorateur et lui a dit « J'ai tué 99 personnes, est-ce que je peux avoir un pardon ?» Et l'adorateur, avec son ignorance, il est pieux, il a des bonnes intentions, mais malheureusement, il a peu de connaissances. Et donc, il lui a dit « Non, tu n'as pas de pardon. » Alors, il a complété 100 avec lui. Il a tué. Donc, au lieu d'avoir tué 99 personnes, maintenant, il a tué 100 personnes. Et il continue son chemin. Et il rencontre sur son chemin un savant, quelqu'un qui a de la connaissance, qui a étudié la religion, qui connaît la religion d'Allah. Et il lui dit, j'ai tué 100 personnes, est-ce que j'ai un pardon? Il lui a dit, oui, tu as un pardon. Et il lui a montré la manière de se repentir et comment faire pour obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour dire que peu importe la grandeur du péché que tu as fait, même si tu dis j'ai tué quelqu'un, ou j'ai tué 100 personnes, ou 1000 personnes, ou 1 million de personnes, qu'est-ce que je peux faire pour me repentir? Est-ce qu'il y a un pardon? Oui, il y a un pardon. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Et même le plus grand de tous les péchés, qui est le shirk, eh bien, il le pardonne à celui qui demande pardon et qui se repent et qui revient à l'unicité d'Allah et qui rentre dans l'islam. Donc, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tous les péchés que quelqu'un peut commettre. Et également, il ne faut pas non plus continuer à faire des péchés et abandonner la repentance en se reposant uniquement sur le pardon vaste d'Allah et en disant, c'est pas grave, je peux continuer à faire le péché puisque de toute façon Allah est pardonneur et miséricordieux et donc son pardon est vaste, alors je peux continuer à faire ce péché-là. De toute façon, j'ai du temps encore pour me repentir. Et qui t'a dit que tu vas vivre jusqu'à demain? Et qui t'a dit que tu vas vivre jusqu'au moment de la repentance? Et donc, il ne faut pas non plus, même s'il ne faut pas perdre l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et en sa miséricorde, il ne faut pas non plus se sentir en sécurité contre le stratagème d'Allah et contre la ruse d'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va prendre ta vie. Tu ne sais pas s'il va décider de te châtier ou non pour les péchés que tu fais. Et donc, la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les pécheurs, c'est le fait qu'il leur donne plus de ses grâces et de ses biens pour qu'ils s'imaginent que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux. Alors, ils continuent à désobéir et à désobéir et à désobéir et ils continuent à avoir du bien et avoir du bien et avoir du bien, alors ils s'imaginent que Allah est satisfait d'eux jusqu'à ce qu'ils les saisissent de son châtiment. Et quand on regarde la parole d'un des grands parmi les tabi'in, les savants de la Ummah, Al-Hassan al-Basri, qui disait, le vrai croyant, c'est celui qui pratique la religion, qui agit selon l'obéissance d'Allah, puis malgré ça, il a peur. Malgré ça, il craint Allah subhanahu wa ta'ala et il craint que ses œuvres ne soient pas acceptées. Il craint d'être châtié, malgré qu'il fait le bien et qu'il s'écarte du mal. Tandis que le pécheur, c'est celui qui fait des péchés et qui désobéit à Allah et qui se sent en sécurité du châtiment d'Allah. Donc vous voyez l'attitude différente de celui qui est adorateur, qui craint Allah, malgré qu'il fait du bien, malgré qu'il s'écarte des péchés, mais il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment. Tandis que l'autre, il désobéit à Allah, il vit dans le péché constamment, et il se repent pas à Allah subhanahu wa ta'ala de ses péchés, et malgré tout il se sent en sécurité, comme si il était préservé du châtiment d'Allah. Donc ça, c'est très dangereux et c'est très grave. La deuxième chose qui est mentionnée dans ce hadith, c'est l'explication qu'on doit demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'une fois qu'on s'est repenti à Allah et qu'on a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour nos péchés, peu importe la grandeur du péché en question, Allah le pardonne. Même si nos péchés arrivent jusqu'au nuage, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de le pardonner. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans plusieurs versets dans le Coran aux croyants de se repentir et de demander pardon. Et il ne faut pas non plus persister à commettre le même péché sans arrêt. Parce que la personne qui commet le péché et qui demande pardon, une des conditions de ça, c'est qu'elle demande le pardon, mais qu'elle cesse de le faire en même temps. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Donc ça veut dire que la personne qui fait un péché et qui se rappelle d'Allah, elle demande pardon à Allah, mais elle ne persiste pas à le faire une fois qu'elle a compris que qu'est-ce qu'elle fait, c'est un péché. Et il y a des moments dans lesquels le pardon risque d'être entendu d'Allah, la demande de pardon. À la fin des salawat, lorsque tu termines ta salat, tu demandes pardon. Également à l'aube, avant le lever de soleil, avant le lever de l'aube, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des moments particuliers pour demander pardon. De même que quand on regarde les meilleurs exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés pour demander pardon à Allah, il y a dedans le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et de reconnaître nos péchés. Reconnaître nos péchés, puis ensuite de demander pardon à Allah. Comme le dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, qui s'appelle Sayyidul Istighfar, le maître de la demande des pardons, Le meilleur exemple qu'on peut trouver comme dua pour demander pardon à Allah. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui récite ce dua pendant la journée, Allah lui, s'il meurt dans cette journée-là, il sera pardonné. Pour qu'est-ce qu'il a fait durant la journée. Et s'il le dit le soir et qu'il meurt pendant la nuit, il sera pardonné pour les péchés qu'il a fait durant cette nuit. Et Sayyidul Istighfar, c'est de dire: oh Allah, je le dis en français, la traduction du dua: oh Allah, tu es mon Seigneur, rien ne mérite d'être adoré autre que toi, tu m'as créé, je suis ton serviteur, et je reste attaché à ton engagement et ta promesse de plus que je peux. Je cherche refuge en toi contre le mal que j'ai fait. Je reconnais ta grâce sur moi et j'avoue mon péché. Je reconnais ta grâce sur moi et je reconnais mon péché. Alors pardonne-moi, car personne ne pardonne les péchés autre que toi. Et donc ça, c'est la signification de ce dua, dans lequel on glorifie Allah et on reconnaît nos péchés et on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait pardonné ses péchés passés et à venir, il disait chaque jour, il dit: je demande pardon à Allah et je retourne repentant à lui plus que 70 fois. Et donc le croyant, il doit se repentir et demander pardon constamment durant la journée. Et dire: Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Atubu, Astaghfirullah wa Atubu ilay. Tout le temps. Et également, il doit réunir avec la demande du pardon la demande de la repentance. Astaghfirullah wa Atubu ilay. Et il ne faut pas que ce soit seulement avec la langue, mais qu'il cesse de le faire. Parce que si la personne, elle dit Astaghfirullah avec sa langue, mais que dans son cœur, elle est déterminée à rester accrochée à ce péché-là et à continuer à le faire, alors ça c'est très grave. Et aussi, plus grave que ça encore, c'est pas seulement de dire astaghfirullah puis de continuer à faire le péché, mais c'est de ne même pas savoir que qu'est-ce qu'on fait est un péché. Et ça c'est encore plus grave comme égarement. Parce que la personne, elle fait quelque chose qui est haram, puis elle pense que, ou elle s'imagine que c'est pas haram. Alors ça c'est très très grave, et ça c'est la cause due, c'est dû à l'ignorance de la religion. Et même qu'il y a des gens qui font exprès de rester ignorants de leur religion, parce qu'ils s'imaginent que, du fait qu'ils sont ignorants, ils sont excusés de ne pas connaître et de faire des péchés. Parce qu'ils se disent, moi je ne connais pas, donc si je ne connais pas, Allah ne va pas me punir. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'ignorance qui est excusable dans la religion, c'est l'ignorance dans laquelle le serviteur lui-même n'a aucune excuse, c'est-à-dire n'a aucune cause là-dedans. C'est-à-dire si tu es volontairement ignorant, c'est pas la même chose que si tu es ignorant parce que tu n'as pas le choix. Et donc celui qui est excusé de son ignorance au jour de la résurrection, c'est celui qui n'avait pas les moyens d'avoir la connaissance. Mais celui qui avait les moyens d'avoir la connaissance de sa religion, mais qui n'a pas fait les causes nécessaires pour l'apprendre et pour la connaître comme il faut, celui-là, il ne sera pas excusé de son ignorance. Donc ça, c'est un point très important. Et la troisième chose qui est mentionnée dans ce hadith, et c'est le plus important aussi, c'est qu'une des conditions pour être pardonné, c'est d'être sur le tawhid. C'est-à-dire d'adorer Allah seul et de s'écarter du shirk. Parce que celui qui fait le shirk, peu importe qu'est-ce qu'il fait, il ne sera pas pardonné. Hein? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas le shirk, même s'il pardonne tout autre péché à qui il veut. Et donc vous voyez par exemple, chez les chrétiens, lorsque un chrétien fait un péché, qu'est-ce qu'il fait pour se faire pardonner? Il doit aller à la confesse. Qu'est-ce que ça veut dire la confesse? C'est-à-dire qu'il doit aller voir le prêtre dans une petite boîte et il doit aller dire au prêtre, j'ai fait tel péché, j'ai fait tel péché, j'ai fait tel péché, pour que le prêtre lui pardonne. Hein? Et le prêtre va lui dire, va en paix, tu es pardonné maintenant. Et il n'y a personne qui pardonne les péchés excepté Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi la repentance doit être demandée à Allah seul. Et on doit se repentir à Allah seul et non pas à un être humain qui lui-même fait des péchés. Comment pourrait-il pardonner les péchés des autres alors que lui-même, ses propres péchés ne sont pas, hein, ne sont pas pardonnés s'il ne demande pas pardon à Allah. Donc ça, c'est des exemples de shirk qui existent dans la religion des gens qui ont dévié de l'enseignement des prophètes d'Allah, qui ont dévié de l'enseignement de leurs prophètes et de leurs messagers. Parce que Isa alayhi salam, il n'a jamais dit aux gens, allez voir un prêtre pour demander pardon. Il leur a enseigné comme les prophètes précédents ont enseigné, Ibrahim, Moussa et tous les autres messagers que Allah a envoyés, yani alayhi salatu wassalam, de demander à Allah pardon directement, sans passer par un intermédiaire ou un intercesseur ou une personne quelconque. Donc, si tu demandes pardon, tu ne fais pas comme les chrétiens, tu passes à Allah, tu demandes directement à Allah. Et ça, c'est une des choses sur laquelle il est important de donner de l'importance lorsque vous parlez à des chrétiens pour les appeler à l'islam, vous leur faites comprendre cette chose-là. Vous leur dites, nous, musulmans, en islam, la religion des prophètes et des messagers, quand on demande pardon à Allah, on demande uniquement à Allah. On ne passe pas par un prêtre ou par un imam ou par un cheikh. Ou par un saint ou quelqu'un parmi les créatures. On demande à Allah directement. Et ça, c'est beaucoup de gens qui étaient dans le christianisme ont été guidés à l'islam juste parce qu'on leur a expliqué cette chose-là. Et ils ont aimé l'islam. Parce que ça, c'est en accord avec tout ce que les prophètes ont enseigné. Et leur religion contredit ce que les prophètes ont enseigné. Et ça, ils le savent. Donc, concentrez-vous sur des exemples comme ça. Des exemples qui ont un lien direct avec le tawhid. Aussi, il s'imagine que l'homme, à la base, à cause de Adam et Hawa, quand ils ont mangé de l'arbre, il s'imagine que ça, c'était le péché originel. Et que tous les hommes, après, ont hérité de ce péché. Et donc pour eux, tous les hommes sont nés dans le péché depuis Adam, alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la notion, ils ne comprennent pas que ils ont demandé pardon à Allah pour ce péché-là et que Allah les a pardonnés. Et donc ils s'imaginent que le péché est hérité de père en fils, de mère en fille, et qu'on va être puni pour le péché de nos ancêtres. Et même ça, c'est contredit par leur propre livre. Et donc, à cause de ce péché originel, ils s'imaginent que pour nettoyer l'humanité de ce péché-là, il fallait qu'un être humain meure. Soi-disant un être humain qui est parfait, qui n'avait pas de péché, et que du moment que son sang coule, ça allait purifier l'humanité du péché originel. On sait déjà que c'est une fable, que c'est faux. Hein? Donc ils ont dit qu'il fallait que Jésus meure sur la croix pour nous pardonner de nos péchés. Et c'est ça ce qu'ils disent. Ils disent, si tu veux être pardonné de tes péchés, il faut que tu acceptes Jésus pour dire qu'il est mort pour toi, que tes péchés maintenant sont nettoyés à cause de ça. Et ça, encore une fois, c'est une croyance qui est totalement en contradiction avec l'enseignement de tous les messagers, de tous les prophètes d'Allah. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de faire couler le sang d'un être humain pour faire pardonner le péché de l'humanité. La seule chose que quelqu'un a à faire s'il veut être pardonné, c'est de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et demander pardon pour ces péchés-là. Mais lorsque quelqu'un n'a pas une bonne aqida, une bonne croyance, et qui n'est pas guidé avec la révélation qui vient directement d'Allah et qui n'a pas été falsifiée, comme le Coran et la Sunna, eh bien, il reste dans l'égarement, dans sa croyance et dans sa pratique. Comme l'exemple de ce qu'on voit chez les chrétiens et chez d'autres, parmi les mushrikines et les kuffars. Et donc, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a guidés à l'islam et qu'il nous a montré le droit chemin, le chemin du tawhid, de la religion des prophètes et des messagers, et qu'il nous a préservés de l'égarement. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا